Donc, la jungle des luttes, c'est le programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et donc, nous, le comité de solidarité, on se retrouve le 1, 3 et 5e mercredi du mois au 33 rue des Vignoles dans le 20e à Paris. Donc, c'est une assemblée ouverte. Vous pouvez nous rejoindre à 20h. À partir de 20h, 1er, 3e et 5e mercredi du mois, il y a également un site que vous pouvez consulter, c'est spcl.ouvaton.org. Et nos émissions sont sur un blog, le blog Jungle des Luttes. Donc, ça fait déjà des dizaines, depuis 2007. Donc, non, n'exagérons pas, mais enfin, ça commence à faire. Et donc, on a la plupart de nos émissions sont sur ce blog. Alors, ce n'est pas tout à fait exhaustif, mais quasiment. Et donc, aujourd'hui, nous sommes avec des amis du CSIA, Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques, qu'on reçoit régulièrement. Et donc là, aujourd'hui, on est contente d'être ensemble. Et on a demandé donc au CSIA de pouvoir être là avec nous et donc de proposer à des invités de partager ce moment. Et donc, on sera avec Corinne Devilliers qui fait un travail de recherche. Et c'est important pour pouvoir récupérer la mémoire et la dignité des peuples en lutte. Donc là, c'est plus précisément sur la Guyane et le peuple kalinien. Donc ça, on va le détailler avec elle quand elle est avec nous au téléphone. Et donc, on a Edith qui, justement, pourra nous présenter le CSIA un petit peu vite fait quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Et les travaux, et puis être en dialogue avec Corinne. On est avec le copain Raymond aussi qui nous parlera plus tard de ce qui peut se passer en Martinique, même s'il n'y a pas une actualité brûlante actuellement. Et entre-temps, on pourra aussi encore parler d'un certain nombre de projets aussi, de recherches par rapport aux internats en Guyane toujours. Et on pourra également terminer sur les apatistes, des nouvelles du côté du Chiapas au Mexique, puisque le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, c'est en référence notamment aux apatistes dont on parle régulièrement ici, soulevés donc en 94 et en fait les 30 ans. Donc cette année, c'est les 30 ans de ce soulèvement et de tout cet apprentissage dont l'idée, c'est de pouvoir partager donc ensemble ici et ailleurs et donc tout ce qui touche ces peuples en lutte et en résistance, ça nous intéresse. Et donc on va être ensemble jusqu'à 8h30. On va faire d'abord une petite pause musicale avant de rentrer dans le vif du sujet. On est toujours sur 106.3 FPP, la jungle des luttes. Musique. Grandpa's at the tombstone, standing there all alone. He's talking to a monument, asking about the government, wondering where the money went and why it all got spent. Grandpa, come on now, let's go. Quit talking about bodies in the snow and return of the buffalo. Come on, we got to blow. But grandson, he says to me, there's something about Wounded Knee. It really bothers me. So tell my brother, coming home. And tell my mother, I'm coming home. And tell my sister, yes. I got to find my way home. Brother called for mom, mom called for papa, papa called for God, yes. I'm coming home, yes, I'm coming home soon. Oh, 'cause I'm lost. I've been traveling way home. I've been gone a way too long. I got to find my way home. FPP, la jungle des luttes. On est ensemble jusqu'à 20h30 avec les copains du CSIA qui ont une invitée, Corinne Devillé, qui est avec nous donc, au téléphone. Je te laisse la parole, Edith. Ben, bonjour, bonsoir. Donc, je suis Edith du CSIA Nita Sinan, je vais vous en dire quelques mots rapidement, que j'ai cofondé en 1978 à la suite de la conférence internationale sur la discrimination à l'égard des populations indigènes dans les Amériques. C'était en 1977. Et suite à l'appel des délégations autochtones à la solidarité internationale. C'est la première conférence qui a été fondamentale et qui a débouché, après des décennies de travail acharné, de détermination de tous les peuples autochtones du monde, à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones en 2007. Voilà. Donc il s'agissait de reconnaître déjà les génocides, reconnaître les politiques des États coloniaux qui dénient aux peuples autochtones leur droit à l'autodétermination et faire reconnaître la souveraineté sur leur territoire. Rapidement, qu'est-ce que c'est la mission du CSIA ? C'est faire résonner les voix des résistants et des résistantes autochtones des Amériques, relayer leurs combats, les campagnes lorsqu'ils ont besoin d'alliés et surtout... et beaucoup fournir des forums où les autochtones eux-mêmes, acteurs et actrices de leur lutte, interviennent. Voilà, pour dire que c'est quand même 46 ans, un petit demi-siècle de solidarité, de bénévoles, une équipe intergénérationnelle, toujours vivante. Et notre lien avec la Guyane prend racine dans les années 80, à partir du discours fondateur prononcé par Félix Tuka. Et déjà en 1985, notre revue, la revue Nita Sinan, publiait un numéro consacré à la Guyane autochtone. Voilà, donc les relations sont nombreuses avec des acteurs et des actrices de cette résurgence et de cette affirmation militante. Bon, moi, je suis allée en Guyane en 2017, retrouver des amis, fait de belles rencontres, respirer un petit peu de l'esprit millénaire autochtone de ce territoire. Territoire français avec son ministère des Outre-mer, qui a succédé, ne l'oublions pas, au ministère des colonies. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est la Guyane. Quel combat au pluriel, quelle voix. Et ce soir, on a le plaisir et la chance d'avoir avec nous, enfin par téléphone, Corinne Devillé, de la nation Kalinia, qui est fondatrice de l'association Moloko TP. Alors, Corinne Mondowa, Corinne, tu travailles à un projet sur la mémoire, je crois, des 47 Kalinia, qui ont été exhibés dans les eaux humains pour les expositions universelles de 1882 et 1892. Mondowa, Corinne, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, comment tu t'es lancée dans cette entreprise phénoménale et puis quels sont les objectifs, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Alors. Mondoua Corinne, tu es là? Je suis là, oui. Vous m'entendez? Très bien, merci. Bien. Oui. Alors, merci Edith pour cette belle présentation et puis ce petit mot en Kalinya, le Mondoua. Et moi, je vous dis Nichomamila, ça veut dire la nuit, la soirée arrive, c'est le soir. Alors, la question, une très bonne question, comment, pourquoi et qu'est-ce qui a fait que? Donc, je suis une métisse Kalinya Téléouyou de la Guyane française, née au Suriname, à Galibi, un berceau de naissance des peuples autochtones. J'ai été naturalisée quand j'avais 16-17 ans. Et j'ai une histoire forte avec la Guyane et avec le Suriname, tout simplement, parce qu'en 1892, il y a eu deux voyages, donc 1882 et 1892. Mais surtout la deuxième date, j'ai une pipi, donc une grand-mère, qui a été amenée lors des expositions ethnographiques au début du 19e siècle, lors des expositions coloniales à Paris. Elle s'appelait Pipi Molko. Donc c'est au nom de cette grand-mère et de toute sa troupe de 33 personnes, plus les 14 du premier voyage, que j'ai pensé à me remettre cette histoire en lumière, à remettre cette histoire dans la dignité humaine et à remettre cette histoire aujourd'hui par des choses concrètes, par un travail concret. L'association Molico Alette Po, donc Molico c'est le nom de mon aïeul, mais aujourd'hui par le travail d'identification, on a retrouvé donc son vrai nom qui s'appelle Molko. Mais j'ai voulu garder le nom de Molico, puisque c'était le nom qu'on lui donnait dans les archives du musée Kebranli. C'est pour faire montrer aussi qu'il y a eu un travail énorme d'identification qu'on a fait en 8 mois, acharné et déterminé. Que ce soit avec le musée Kebranli, où il y a une convention entre nous, et sur le terrain en Guyane et au Suriname. Donc ce travail nous a permis donc à faire une association qui est née en novembre 2021, donc vous voyez, c'est encore un petit bébé, on va dire. En mars 2022, je suis partie en Guyane pour un mois présenter l'association aux collectivités territoriales de la Guyane, au Grand Conseil coutumier Bushinengui amérindien, à la population guyanaise, aux chefs coutumiers, aux Yopoto, et aux associations différentes de la Guyane, pour leur expliquer que, voilà, descendante d'une des jeunes filles exhibées, nous avons un projet, une histoire commune, et que 130 ans sont passés, il faut absolument maintenant que cette histoire revienne en lumière. Donc les rendez-vous se sont succédés, et au retour à Paris, nous avons eu des feux verts. Et aujourd'hui, donc 2 ans après, quasiment 1 an et demi, 2 ans après, nous avons un comité de pilotage avec la collectivité, les élus, les sénateurs, les députés, tous les Yopoto de Guyane et de Suriname, le Grand Conseil coutumier et la population pour amener ce travail en lumière tous ensemble. Et ce travail acharné sur le terrain nous a amené à ce que la collectivité territoriale devienne le partenaire de cette association. Et pour août, donc cet été, le 11 août, nous célébrons une première, on va dire, dans le monde des os humains. Nous allons célébrer un hommage par une cérémonie avec 2 stèles dans la commune de Irakoubo pour rendre hommage aux 47 exhibés kaliniens qui ont été exhibés comme des sauvages lors de leur exposition à Paris. Donc, c'était 33 personnes parties du Suriname, bien entendu, baratinées par un jeune explorateur. Ils ont cru à la vie, ils ont cru à la belle vie, au changement de vie. Ils leur ont promis de gagner de l'argent. Ils sont venus par bateau, 3 semaines de navigation, arrivés à Saint-Nazaire. Et de Saint-Nazaire, ils ont pris un train de bétail. Et à 5h45 du matin, ils sont arrivés à la gare Saint-Lazare. Et tout de suite après, il y avait des breaks fourgons qui les ont attendus pour les emmener directement au jardin d'acclimatation. Et ils se sont aperçus en arrivant que leurs rêves, c'était des mensonges. Ils se sont retrouvés dans une grande verrière plantée d'exotisme, de bananiers, de plantations exotiques pour ne pas qu'ils soient choqués de leur environnement. Une pièce chauffée, puisque c'est en plein hiver, au mois de février. Et du coup, le matin, s'acharnaient les scientifiques, les anthropologues, les ethnologues. Et les après-midi, eh bien, ils passaient leur temps à danser, à faire de la poterie, à satisfaire la population, les visiteurs du jardin. Il y a eu des week-ends où ils avaient 60 000 visiteurs, 30 000 visiteurs. C'était leur journée. C'était leur journée au quotidien pendant 2 mois et demi. Et au mois d'avril, puisqu'ils étaient fatigués, le froid quittait un pays tropical pour un hiver, hein, ils ont commencé à attraper des bronchites, des pneumonies. Il y a eu 8 morts. Ils ont commencé à mourir les uns après les autres. Et en voyant ces personnes mourir, oups, il fallait les ramener au pays. Mais ce jeune explorateur, n'ayant plus d'argent, leur a fait faire un détour à Berlin 1 mois et à Bruxelles 1 mois, pour ensuite les ramener au pays. Donc au départ, ils étaient 33, il n'y en a eu plus que 25 au retour. Donc ça a été pour nous une histoire tragique que j'ai connue quand j'étais petite, puisque mon grand-père me racontait que mon aïeul était parti avec des Blancs. Mais cela, je ne voyais pas plus l'intérêt. Et heureusement que l'émission « Sauvage au cœur des eaux humaines » de Pascal Blanchard et de Bruno Puget-Bé sur Arte m'a ouvert les yeux et j'ai eu ce déclic. D'où la naissance de l'association Molico Alette Po. Aujourd'hui, à jour d'aujourd'hui, nous avons fait énormément de travail. Et quand nous avons retrouvé nos restes humains, puisque ça a été la question au peuple talinien, où sont nos morts? Où est-ce qu'ils sont depuis plus de 130 ans? Nous avons fait un travail de fourmi, et par élimination de musée, par élimination par rapport aux documents que nous avions, nous avons retrouvé au 30 janvier 2023, oui, 2023, nos 6 morts au Musée de l'Homme. Donc, ça a été un événement énorme pour nous. Et cette année, cet été, quand je suis partie en Guyane, j'ai été informée, la Guyane et la population, en leur expliquant que enfin nous avons retrouvé nos restes humains. Et nous avons fait une demande aux chamans, aux chefs coutumiers, à la population, que voulez-vous faire? Vous voulez qu'on les laisse encore au musée de l'homme ou vous voulez qu'on les rapatrie? À l'unanimité, ils ont dit, nos aïeux doivent revenir sur leur terre natale. Et c'est de là qu'est partie, en même temps, une proposition de loi de Mme Catherine Desailly, donc qui a été votée et promulguée le 26 décembre par M. Macron. C'était sur la restitution des restes humains de la collection appartenant aux collections publiques. Et j'ai été auditionnée par le Sénat. Et là, je leur ai expliqué, c'est très bien, les étrangers peuvent récupérer leurs restes humains. Et nous les ultramarins, nous sommes la France. Que faites-vous de nos restes humains? Donc, ça a été débattu. Et aujourd'hui, je sais que notre demande, notre histoire est sur les bureaux du gouvernement, puisque ça a été énormément débattu lors des commissions au Sénat, lors des commissions à l'Assemblée nationale. Et le Sénat a proposé au gouvernement de faire un travail d'une année pour trouver sereinement une possibilité et comment amener un travail pacifiste pour que nos restes reviennent au pays. Donc nous veillons au grain sur ce sujet. Nous veillons au grain parce qu'il faut absolument que nos aïeux reviennent au pays au plus vite possible. Nous ne pourrons pas faire nos deuils puisque nous avons un lien fort avec nos morts. Et au jour d'aujourd'hui, les descendants, le peuple autochtone de Guyane, les familles et tout un pays, on ne fait pas nos deuils de cette histoire, puisque nos restes humains sont encore dans un musée. Et parallèlement à ça, c'est quelque chose de traumatisant pour nous, car le fait que nous pensons, nous les imaginons, peut-être dans des boîtes, peut-être suspendus dans une réserve, cela nous est impossible d'accepter cette situation. Donc voilà un petit peu tout le travail que nous avons mené aujourd'hui. Donc nous sommes en relation avec le gouvernement, avec les ministères, avec les sénateurs, les députés. Et je trouve que nous avons fait un grand pas pour cette histoire-là. Côté Guyane, nous avons su fédérer tout le monde, que ce soit les collectivités, les politiques, les associations, tout le monde. Et le but de l'association, c'est de travailler dans le respect, dans le pacifisme, puisque tout simplement, notre histoire doit retrouver sa juste place dans l'histoire de la France. Et pour nous, l'objectif final, c'est que le gouvernement, c'est que l'État doit reconnaître notre histoire et demander pardon à tout un peuple, à toute une famille, à tout un descendant, à toute la Guyane et au premier peuple de ce qu'ils ont fait subir au peuple Kalinyat et Léouyou. C'est vraiment ça notre but final et nous y arriverons parce que je ne suis pas du genre à freiner et à arrêter sur un projet. Tant qu'il y aura de la détermination, nous y arriverons parce que nous sommes une belle équipe et aujourd'hui, nous avons nos forces derrière nous. Donc voilà un petit peu mon histoire, voilà un petit peu le lien que j'ai avec cette histoire, ce qu'on appelle les zoos humains. Ça a été une histoire mondiale et j'espère que d'autres pays feront la même chose que nous, puisqu'on se doit, sans amertume, sans colère, retrouver notre histoire, notre mémoire et réparation de tout cela. Nous ne sommes pas des victimes. Aujourd'hui, nous ne voulons que le respect et nous ne voulons que une juste justice. Voilà un petit peu dans l'ensemble comment l'association Moliko travaille à travers toute cette exhibition ethnographique d'il y a 141 ans et d'il y a 131 ans, puisqu'il y a eu deux périodes de voyage. Merci Corinne. Parce que tu disais, je t'ai entendu dire, bon, la nation Kalinyat est une grande nation que traversent des frontières imaginaires, bien sûr, pour la nation, pour le peuple Kalinyat. Et je voulais je sais que aussi tu as rassemblé une exposition de les portraits des personnes Kalinyat qui avaient été exhibées. Et tu as fait un grand travail parce qu'ils avaient été, ils et elles avaient été, si j'ai bien compris, dépossédés de leur nom. Oui. Je crois que tu les as retrouvés. Oui. La première chose que j'ai faite quand on a fait l'association, c'est de faire une convention avec le musée Quai Branly, puisque c'est le musée qui possède les photographies, les plus de 200 photos des photographies de nos aïeux. Donc, c'est la collection Roland Bonaparte appartenant au musée Quai Branly. Mais pour faire un travail de mémoire, nous, les peuples autochtones, on est très photos. Donc, il a fallu que nous fassions une convention avec. Ça a été très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une bonne entente. On travaille très bien ensemble avec le musée Quai Branly, notamment Karine Pelletier-Caroff, hein, que je remercie de toute sa confiance envers l'association. Et quand j'ai été pour la première fois voir ces photos au fond précieux, quelque chose m'a traumatisée, choquée. J'ai vu plein de photos de Kalinyat. Et je me suis dit, mais elle ressemble à quelqu'un que je connais, à mon neveu, à mon oncle, ou à quelqu'un que je connais de la Guyane. Mais ils s'appellent comment? Ils n'avaient pas de nom. Ils n'avaient que des petits numéros sur un côté de l'angle de la photo. Et là, je me suis dit, mais ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Peut-être qu'ils sont morts aujourd'hui, mais ils ont une identité. Ce sont des personnes. Et c'est de là que le travail de l'anonymat à je suis, c'est ainsi que j'ai nommé le travail que nous avons fait, a commencé. Et je me suis promise d'aller sur le terrain Guyane, d'aller rechercher des descendants, des témoignages à travers la seule liste que nous avions de l'époque. On a essayé de retrouver des noms kaliniens, puisque les noms avaient été un peu européanisés. Nous en avons trouvé quelques-uns. Et pendant 8 mois, avec tout ce que nous avions comme archives, documentation, photos, témoignages, on a pu identifier 26 personnes sur les 33. Et quand on a découvert les restes, les morts au musée de l'homme, ça nous a permis de trouver qui était mort, leur visage. Donc aujourd'hui, on sait qui ils sont. Ce ne sont plus des numéros. C'est Molko, c'est Takumi, c'est Miyakapo, c'est PKP. Voilà, c'est Ilaku. Et on a retrouvé des descendants. Actuellement, on est à plus de 200 descendants de ces personnes. Et du coup, parallèlement à ça, par rapport aux descendants, nous voulons aussi montrer qu'on a voulu les évincer, on a voulu les considérer comme des animaux à travers ces exhibitions, mais qu'il y a des descendants aujourd'hui qui sont là et qui résistent. Donc, avec un photographe, un ami qui s'appelle Jonas Missaille, qui... En plus, a le même appareil que Roland Bonaparte de l'époque, une photo, comment on appelle ça, avec cabine, je crois, je n'ai plus le nom exact. Et bien, il fait des photos noir et blanc. Et lui, il a une idée formidable. Quand il m'a parlé de son projet, et bien, c'était quelque chose d'émouvant. C'est un mélangé de créole et de Aloukou, donc Bushinengue. Il m'a dit, Corinne, moi je suis un descendant Bushinengue, esclave, et mes aïeux se sont sauvés dans la forêt amazonienne. Et ce sont vos descendants qui les ont sauvés, qui leur ont tout appris pour qu'ils survivent. Eh bien moi aujourd'hui, je me dois de faire un travail de mémoire et de réparation, et je veux faire un travail sur les descendants Kalinia de ces exhibés avec toi. Avec l'association. Et c'est comme ça que nous menons actuellement un très beau projet de photographie de descendants et de tous les chefs coutumiers de la Guyane que nous aimerions exposer à l'aéroport de la Guyane et pendant la cérémonie hommage le 11 août 2024 à Yaracubo. On va peut-être faire une petite pause musicale et on te retrouve après. Si ça ne te dérange pas, on pourra continuer encore à discuter. Vous êtes toujours sur FPP 106.3, la jungle des luttes. Petite pause avec des morceaux que tu nous as fait parvenir, Corinne. Merci. Oh, 3 FPP, la jungle des luttes. On est donc avec les copains du CSIA, Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, et Corinne Devilliers qui nous racontait son travail et plus encore. Je vous laisse la parole. Corinne, avant que tu nous parles, si tu veux bien, un petit peu de ce beau morceau et puis du Sampula, le tambour traditionnel, je voulais juste te dire que le morceau d'introduction, je l'avais choisi. Et il résonne bien parce que c'est un morceau, c'est une tradition de la Nouvelle-Orléans qui relie complètement les. C'est une tradition afro-américaine, mais qui est très, très, très liée aux autochtones du sud-ouest des États-Unis, puisqu'il y a la même histoire des marrons qui réussissaient à s'enfuir des plantations esclavagistes et qui étaient recueillis par les villages et les communautés dans les bayous, dans les marécages, qui ont été accueillis, qui ont été adoptés et qui ont... Il y a eu beaucoup de métissage, bien sûr, et puis de grandes histoires. Donc, et c'est un morceau qui parle aussi de la mémoire, puisque ça fait référence à Wounded Knee dans le sud Dakota, c'est le site d'un massacre en 1890 qui a décimé la bande de Bigfoot et qui a massacré 300 personnes, une très grande majorité de femmes et d'enfants. Et pour le peuple Lakota, c'est également un travail de mémoire pour les descendants. Voilà, c'est un lieu chargé de mémoire et là, tu nous parles aussi de mémoire. Est-ce que tu voudrais dire un peu quelques mots sur qu'est-ce que c'est le Sampula, qu'est-ce que ça représente? Alors déjà, ce petit morceau, c'est le groupe Ayawande de Guyane, donc c'est ma famille, mes cousins, mes neveux, mes oncles, qui ont créé cette association. La chanson, alors le Sampula, qu'est-ce que c'est? Le Sampula, c'est notre tambour. On peut appeler ça dans la langue française. Pour nous, c'est essentiel à notre vie. Quand il y a un décès, quand il y a un mariage, quand il y a un baptême, quand il y a un epeco dono, c'est-à-dire le lever de deuil, c'est-à-dire pendant une année ou deux années, le veuf ou la veuve ou les familles se coupent les cheveux. La veuve ou le veuf n'a pas le droit de se remarier, puis il prépare cette cérémonie un an ou deux ans pour pouvoir après quand même un peu se renouveler. il y a cette grande fête que nous avons, qu'on appelle le Epeko Dono. Eh bien, c'est le son du Sambula qui chante. Et chaque groupe chante. Ça peut être la vie de la personne. Ça peut être simplement la coutume. Ça peut être... c'est surtout dans la gaieté. Et à travers le Sambula, qui est un arbre, on coupe un arbre, on fait un creux. Et après, on met de la peau tout autour. Et puis, après, on travaille par rapport au son. Parce que ça, après, c'est les connaisseurs. Hein. J'avais mon oncle, mon yaya, qui était un fabricant de Sambula, qui malheureusement nous a quittés au mois de novembre. Donc, il est parti avec cette connaissance. Mais, et après, on fait nos marquages Kalinia sur nos Sambula. Parce que c'est... On n'en fait qu'un avec nos Sambula. Et quand on danse au son du Sambula, on est habillé de nos plus belles parures, de fêtes de pompons, de cassoulou, de perles, oui. Et on est maquillé avec nos racines, nos marquages de racines. Et on danse du matin au soir, par exemple pour le Epeko Dono qui commence le vendredi et on s'arrête que le dimanche. On s'arrête que le dimanche de danser. Donc pour nous, le Sambula, c'est l'esprit de tout, c'est l'esprit de la forêt, c'est l'esprit de tout ce que nous avons, puisque nous sommes très, très liés à Dame Nature. On ne coupe pas un arbre sans lui parler, on ne pêche pas sans remercier la rivière. On ne tue pas un animal sans dire, eh bien, c'est pour notre consommation. Donc, le Sambula, c'est tout ça. Et en complément du Sambula, il y a ce qu'on appelle le Kalawashi. Ça, c'est pour les femmes uniquement. Ce sont des comme des petits paniers à trous où on met des graines d'arbres qui font des bruits. Et le Kalawashi, c'est pour les femmes. Et elles chantent le mort. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui meurt aujourd'hui, il lui faut une veillée. Et à travers ce Kalawashi, au son du Kalawashi, les femmes racontent toutes les anecdotes du mort, tout ce qu'elles ont vécu avec le mort. Donc, les Sambula, en général, c'est pour les hommes, et les Kalawashi, c'est pour les femmes. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de notre, de tout, eh bien, il y a des femmes qui jouent aujourd'hui du Sambula. Donc, c'est formidable parce que le groupe Aya Vendée, aujourd'hui, est mixte dans son groupe. Au son du Sambula. Oui, merci. Ça me fait penser à rendre un hommage à Alexis Duca, militant Kalinia, juriste, expert en droit autochtone, qui nous a quittés en octobre dernier. Il était aussi un joueur de Sambula. Voilà. Et puis, je me dis, c'est aussi l'importance considérable des ancêtres et peut-être par leur intermédiaire, tu peux peut-être parler un peu de la transmission. Comment vous arrivez à faire le lien entre... l'histoire millénaire qui est la vôtre, interrompue par la colonisation, et cette résurgence, cette revitalisation, cette réappropriation de votre mode de vie. Voilà. Quelle est la place de la transmission ? Alors, je dirais pour ma part, par mon expérience, c'est que depuis maintenant une dizaine d'années, on va dire, la transmission, elle est revenue dans la mémoire des jeunes, dans la mémoire peut-être de ma génération, parce que je suis née en 77, là. Et à l'époque, les anciens avaient cette force. Par exemple, à l'époque, c'était les anciens qui jouaient au son du Sambula. On n'avait pas de jeunes, c'était des anciens. Ils sont tous partis aujourd'hui. Et il y a eu des jeunes qui ont eu cette, cette bonne oreille de dire, eh bien, avant que Touchi meure, moi j'ai envie de m'instruire. Touchi doit m'instruire de ses connaissances. Et c'est comme ça qu'il y a eu une poignée de jeunes qui se sont instruits de la connaissance de leurs grands-parents. Et quand ils sont partis, eux, ils ont ramené tout ça en lumière. Et aujourd'hui, je suis personnellement satisfaite et heureuse de me dire que, eh bien, notre culture, notre tradition revit, et de plus en plus. Et il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent, parce qu'on arrive à se transmettre les connaissances des anciens, eh bien, par génération, ou par famille, ou par oncle, ou neveu, cousin. Et aujourd'hui, en 2024, hein, eh bien, quand je vais en Guyane, de toute façon, je passe mon temps à danser au son du samba tous les week-ends. Hein. Eh bien, je trouve que c'est formidable. Et on voit toute une génération. On voit encore des pipis danser. Et il y a la génération de la soixantaine, après de la quarantaine, et même des petits bouts de chou de 6-7 ans dans leur tenue traditionnelle qui dansent. Et quand vous voyez ce son du samba et que vous voyez toute une génération de 4-5 générations, eh bien, on s'est dit, la culture, elle va revivre et elle va résister. Et je pense que aujourd'hui, nous les jeunes, on est conscient de ça. On est conscient de ça parce qu'à une époque, on a été pris par l'engouement de l'européanisation, de la modernisation. Et peut-être qu'inconsciemment, on a eu un déclic en se disant, mais où est notre identité dans tout ça? Mais je ne suis pas un blanc, je ne suis pas, voilà, je suis une Kalinia, je suis un Kalinia. Mais qu'est-ce que je fais de mon identité? Et petit à petit, on a un petit peu fait marche arrière pour se réapproprier notre histoire et se réapproprier ce qu'on est, d'où on vient. Et personnellement, moi personnellement, je l'ai toujours revendiqué depuis que je suis ado. Je suis une métisse, certes, mais ma force, c'est que j'ai été élevée à la culture par mon grand-père et ma grand-mère au village. J'ai été élevée dans la tradition et je parle la langue Kalinia. Et j'aime ma culture. J'aime danser au son du samba, j'aime porter du kessoulou. Voilà, j'aime tout ce qui est ma racine. Et je pense que beaucoup de jeunes sont comme moi aujourd'hui. Et c'est formidable de voir ça. Donc, on est encore pendant très longtemps. Voilà ce que je voulais dire. Donc, cette transmission, on se l'est réappropriée parce qu'on a voulu que ça résiste. Merci, merci. Et c'est vrai que ça traverse cette histoire que tu racontes en tant que Kalinia, ça traverse vraiment tous les peuples et toutes les nations autochtones des Amériques et du monde. Il y a beaucoup de chantiers. Est-ce que, avant de continuer, est-ce que tu penses à autre chose que tu voudrais rajouter sur le projet que tu as entrepris? Je pense aussi, j'imagine que c'est vraiment... Bah, c'est important, tu disais, c'est un chantier, c'est quelque chose qui rassemble tous les peuples autochtones de Guyane et qui aussi interpelle, enfin que les Bushinengue peuvent aussi comprendre. Et donc j'imagine que en travaillant, en rencontrant les familles, voilà, ça vous rapproche. Alors déjà, ça, cette histoire sur les os humains. Je pense unit toute la Guyane, pas simplement les autochtones. Bon, les autochtones sont les premiers concernés par cette histoire, certes, mais ça a fédéré et ça unit toute la Guyane. Pourquoi? Parce que je vois au comité de pilotage, nous sommes tous. Il y a les créoles, il y a la collectivité, il y a les Bushinengue, il y a les Kalinia. Il y a des Lokono. Donc, ça a fédéré toute la Guyane. Donc pour nous, c'est une, je pense que c'est une première et un espoir de se dire, quand on a envie de fédérer tout un pays, quelle que soit sa culture, mais pour une mémoire, on peut y arriver. Parce qu'avec le métissage, parce qu'en Guyane, il y a énormément de métissage. Hein. Donc je pense que nous avons tous une part de peut-être de ces personnes-là en nous. Donc, je me dis que le fait d'avoir fédéré toutes ces personnes, eh bien, c'est tout un département. Et de plus, un autre pays, le Suriname. Puisque, il ne faut pas oublier que Galibi, voire Paramaribo, voire les villages le long du fleuve Maroni, parce que le fleuve Maroni est notre berceau de vie, eh bien, nous avons aussi nos familles côté Suriname. Donc, il y a deux pays qui sont tellement proches, juste séparés par un fleuve de 15 km à peu près, mais nous sommes frères et sœurs finalement. Donc, cette histoire de mémoire, Kalinia, autochtone, a fédéré tous deux pays, sans exception et sans se dire... Oui, mais c'est d'abord notre histoire. Non, c'est notre histoire simplement. Mais la plus belle chose, c'est que toute la Guyane et tout le Suriname est conscient qu'on doit faire qu'un pour amener justement à ce que, comme peut-être l'exemple de l'association Molico, comme l'exemple des eaux humains, a peut-être à procéder à d'autres revendications dans le futur. Et je l'espère vraiment. Que d'autres revendications se feront unies comme nous avons su et nous avons pu fédérer toutes ces personnes, toutes ces hautes instances de la Guyane. Et je le souhaite vraiment parce que quand on veut, on peut y arriver. On peut y arriver à fédérer tout le monde. Donc c'est ça notre... C'est vraiment ça, on peut dire que c'est un peu ça notre fierté. De pouvoir dire que grâce aux eaux humains, on peut être tous main dans la main. Et c'est ce que nous aimerions voir le 11 août 2024 à Irakoubo, toute la Guyane et une partie du Suriname, une seule terre, mais tous ensemble. Et c'est ce qui arrivera. Donc dans notre grand malheur, on a su ramener un petit peu cette unité dans le respect et dans le pacifisme, parce que c'est ce que l'association a comme image du début et jusqu'à la fin, ce sera ça. Ce sera vraiment ce respect et ce pacifisme, parce qu'on n'a rien à revendiquer dans la colère, on va dire, puisque dans notre tête, dans notre vision des choses, nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Et en tous les cas, ce que je trouve important, enfin, c'est justement sur cette question de la mémoire, il y a un certain nombre de peuples ou de communautés qui luttent justement en pouvant faire un retour sur le passé pour pouvoir se projeter. Et c'est ce que racontait... les apatistes, quand ils se sont soulevés, de regarder d'où ils venaient pour pouvoir savoir vers où ils allaient avancer justement ensemble. Et la question n'était pas de se positionner en tant que victime, bien qu'il fallait forcément reconnaître justement quelle a été cette histoire d'oppression, de déni, etc. Et que l'important, c'est de retrouver surtout la dignité pour pouvoir se relever et avancer et faire la lumière sur ce qu'a été l'histoire. Et donc justement... tu voulais nous parler aussi, Edith, parce que tu restes avec nous et on voulait évoquer justement pour pouvoir faire la lumière sur ce qui s'est passé, pour pouvoir avancer sur la question des internats, justement, dont on a pu parler au Canada récemment. On en a entendu, ça a été très médiatisé, mais du coup, il y a encore aussi des recherches à faire et des internats, il y en a eu dans toutes les colonies. Oui. Voilà, on enchaîne un peu. Mais on reste avec toi, oui, hein, Corinne, on ne te dit pas au revoir encore. Hein. Enfin, sauf si si ça te va. Surtout que tu peux à tout moment compléter, corriger, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est très facile, c'est, oui, pardon. Mais parce qu'il y a les peuples autochtones en Guyane ont des grands chantiers, et un grand chantier, un grand travail, c'est justement ce qui concerne les Hommes indiens. Les Hommes indiens mal nommés, parce que en fait ce sont les internats pour les autochtones, dans lesquels des milliers d'enfants dès l'âge de 4-5 ans ont été enfermés pour les arracher à leur famille. Et je parlais d'Alexis tout à l'heure, c'était un de ses derniers grands combats, puisque un collectif, il était membre fondateur du collectif pour la mémoire des Hommes indiens, qui a été créé en janvier 2023. C'est un travail qui se fait qui a commencé en phase exploratoire avec la fondation Louis Jouanet. C'est l'Institut francophone pour la justice et la démocratie. Et là, il s'agit de justice transitionnelle. Et les objectifs du collectif, c'est la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Reconnaître officiellement les violences commises et les traumatismes subis par les enfants de la part des autorités publiques et de l'Église catholique. Ce serait aussi l'inscription dans les programmes de l'éducation nationale de l'histoire des Hommes de Guyane. Je pense qu'il y avait aussi l'idée de la création d'un lieu de mémoire. Et on a participé, enfin on a assisté, tu étais là d'ailleurs le 1er février à l'Assemblée nationale, invitée par justement, enfin par la Fondation Louis Jouanet, et mais surtout par Jean-Victor Castor, député de Guyane. Ça a été un rendez-vous extraordinaire qui a rassemblé justement les travaux que vous menez parallèlement. Alors là aussi, le projet d'établir une commission vérité a d'abord recueilli le soutien notamment du Grand Conseil coutumier. Malheureusement, qui a rétro-pédalé suite aux pressions d'en haut. Hein. Et donc, je ne sais pas, c'est très important. Alexis disait, et il n'est pas le seul, puisque ce collectif, il a rassemblé, je crois, une douzaine d'anciens pensionnaires, dont, d'ailleurs, je pense à Cécile Couillouri, une autorité coutumière, Yopoto, et puis je pense à Guillaume Couillouri, qui est un locuteur kalinya extraordinaire, et il y a eu notamment une vidéo qui recueillait les témoignages et qui a été entièrement en kalinya, qui a été traduite. Pour l'instant, c'est un petit peu au point mort parce que évidemment l'État français va faire tout son possible, vraisemblablement, pour freiner, exactement. Je sais que tu... Donc, dans ce grand rendez-vous, il y a eu le compte-rendu du travail qui a déjà été fait en vue de mettre en place cette commission. Il me semble que tout le monde également... Est-ce que tu dirais... Je ne sais pas si je peux te poser une question, parce que... Est-ce que tu dirais que c'est un projet qui rassembleur également en Guyane pour les autochtones? Est-ce que tu veux en parler ou pas? Alors, Edith, je ne me prononcerai pas sur le sujet des Hommes indiens, tout simplement, parce que je me l'interdis. Alors, je pars du principe Nous avons chacun, chacune, nos combats, nos revendications. Et je ne suis pas la personne qui peut faire des commentaires sur ce travail-là. Tout à fait. Et je ne veux pas manquer de respect aux personnes qui ont commencé, qui ont fait un collectif. Donc, pour cela, voilà, je ne ferai pas de débat là-dessus, Edith. Oui, vas-y. Mais parce que, en fait, c'était plutôt sur la question. Je pense que, enfin, moi, j'aurais plus entendu sur, non pas te prononcer toi, mais est-ce que c'est quelque chose dont tu as entendu parler? Est-ce que les gens parlent de ça aussi? Alors, parce qu'à une époque, on a parlé en. Les OM indiens, oui. Je peux juste parler en mon nom par rapport à ma famille. Je peux juste dire ça. C'est que quand j'étais petite, non, maman, ma mère nous parlait, ou même ma tante. Nos tantes plutôt et ma mère, ma maman nous parlaient des internats. Et c'est vrai que souvent, quand je fais rire, peut-être si ma mère l'entend, je ne sais pas si elle nous écoute, mais souvent je disais, mais maman, tu nous élèves à la militaire. Elle me disait, oui, parce que les sœurs nous ont élevés comme ça. Et c'est pour votre bien. Et finalement, elle avait raison, parce qu'aujourd'hui, je suis contente d'avoir été élevée à la militaire, parce que... voilà, je j'ai peur de rien, je sais me faufiler partout. Voilà, j'ai une façon de vivre qui me plaît finalement. Et donc, j'ai toujours entendu parler des internats, oui, par ma mère et puis par mes tantes. Hein. Mais sans plus, c'est vraiment quelque chose qui ne m'a jamais touchée spécialement, parce que moi, je ne l'ai pas vécu. Mais oui, mais j'ai entendu les témoignages de ma mère et de mes tantes, oui. Mais ce n'était pas dans le négatif concernant beaucoup. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très, très délicat, mitigé, on va dire. Après, c'est une histoire. Chacun doit pouvoir raconter sa version, son histoire, que ce soit en positif ou en négatif. C'est ça aussi qui fait que les choses avancent. Tout le monde n'a pas eu le même vécu. Mais moi, je sais que ma maman, c'était... Elle a gardé de très bons souvenirs des internats de chez les sœurs en Guyane, comme mes tantes, quoi. Donc, je ne sais pas plus. Après, le reste, non, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Il y a eu, à une époque, ça a été aussi très écouté, très diffusé, la question des personnes qui avaient été adoptées de la Réunion. Enfin, du coup, il y a eu toute une époque où on mettait à plat toutes les démarches qui avaient été prises par les autorités gouvernementales. Et donc, du coup, il y a eu... Historiquement, c'était l'ère du temps à l'époque. Oui, c'est pour ça que du coup, au jour d'aujourd'hui, on commence à sortir les dossiers, en fait. Donc, c'était un peu... Ah, tout à fait. Je pense que la colonisation a été dans le monde entier. Donc, c'était l'ère de l'époque, c'était normal, il fallait coloniser. Et puis, autant on allait dans le pays, autant on ramenait. Et puis, c'était normal à l'époque. Mais aujourd'hui, 50 ans après, 100 ans après, Et bien les descendants, à l'époque, il n'y avait pas d'école, beaucoup de gens ne savaient pas écrire, on ne parlait pas la France comme on dit si bien. Mais aujourd'hui, il y a des descendants, on a une autre vision des choses, et puis on remet, malheureusement, on réouvre des cercueils qu'on n'aurait pas dû se réouvrir. Parce que moi, je prends l'exemple, par exemple, des os humains. Vous comprenez bien que... Mais il aurait fallu que ça reste dans les oubliettes. C'était bien au chaud, bien gardé. On n'en parlait plus. C'était bien, quoi. Et bien, malheureusement, on a réouvert ce cercueil. Il n'est pas favorable à la France. Mais comme je le répète, on n'est pas des victimes. Mais c'est une histoire comme une autre. Donc, à deux, je pense que c'était vraiment l'air de temps avec les enfants de la Réunion, les hommes indiens. Et puis toute cette partie, puis il y en a d'autres. C'est interminable. Ouais, d'autant. Comment se sont produits la colonisation? Est-ce qu'il y a des histoires sombres dessous, quoi? Mais c'est à chaque pays, c'est à chaque descendance, à chaque collectivité, c'est de reprendre son histoire. Parce que c'est important. C'est notre histoire et c'est notre identité. Oui, sachant que de toute façon, la colonisation, elle est encore là aujourd'hui sous d'autres formes. encore bien présente. On a encore des effets de la colonisation aujourd'hui. Oui, puis il y a encore des actes de colonisation, enfin des formes d'impérialisme et de domination de certains pays sur d'autres. Avec des... Et ça, c'est toute la propagande qui a été faite au temps de la colonisation pour dire... Un exemple tout bête, dans les eaux humains, il y avait 34 000 exhibés de tout pays, des Argentins, des Malabar, des Fuégiens, des Africains, des Kaliniens, bref, il y en avait de tous. Eh bien, pourquoi les scientifiques venaient? C'était pour justement prouver que, eh bien, le Fuégien, eh bien, il n'avait pas de cerveau, qu'il avait des petits bras. On les auscultait du matin au soir, tous les matins, pour pouvoir créer la propagande en disant, mais lui, c'est un sauvage, lui, c'est un sous-personne, lui, ben, il n'est pas plus intelligent qu'un singe, et bien lui, c'est un sauvage, parce que voilà. Donc, il y a eu la création de la propagande de la domination européenne, de la domination du blanc, en disant, nous, les blancs, nous sommes supérieurs à ces personnes-là. Voilà les preuves. Voilà les preuves, les dentitions, tout était passé aux observations. Donc, cette propagande dans les eaux humaines à l'époque a amené à ce que, encore aujourd'hui, le jeune Français qui allait à l'école aux eaux humaines, qui avait peut-être 7-8 ans, et dont la maîtresse leur disait « Allons aux eaux humaines voir des choses », qu'est-ce qu'il voyait? Lui était dans la partie supérieure de la barrière, et il voyait des êtres humains de l'autre côté. Et consciemment, dans sa tête, qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi ils sont derrière la barrière avec les animaux? Et bien, si eux, ils sont là-bas, c'est que moi, je suis le supérieur. Eux, ce sont des petits, ils sont des dominés. Donc, inconsciemment, cet enfant grandit avec cette idéologie-là. Et quand il va au pays, en Afrique, quand il va en Amérique du Sud, ou quand il va en Nouvelle-Calédonie, il se considère comme le maître, parce que, à l'époque, il a vu ces personnes-là de l'autre côté de la barrière. Donc, c'est toute une propagande qui s'est faite. Et aujourd'hui, cette propagande, cette image-là, 150 ans d'histoire est dite, et il faut la déconstruire. Mais c'est voilà, dans l'esprit des gens. C'est en train J'en de... profite pour justement parler du salon anticolonial qui aura lieu au mois de mars, le 23 et le 24 avril, justement, pour décoloniser nos esprits, en tout premier lieu, ce dont parlaient justement depuis longtemps aussi les apathies, justement. Et ben, il est temps de faire une petite pause musicale. Merci. Vale. 6.3 FPP, la jungle des luttes. Donc, on est ensemble encore un petit peu. On n'a pas beaucoup de temps, mais quand même. En parlant donc de ces peuples autochtones qui résistent à la colonisation depuis des siècles et justement ce processus grandissant des jeunes qui essayent de récupérer cette mémoire et de se tourner le dos au monde capitaliste, au soi-disant premier monde dont on leur a fait la propagande et dont certains s'étaient emparés aussi. Et donc tout ce travail d'organisation au niveau de la communauté, parfois au niveau politique, comme dans l'exemple des apatistes, parce qu'ils essayent de dépasser juste l'organisation propre et en dénonçant un modèle qui justement est le même globalement, et donc même si les peuples ont des identités propres et des façons de s'organiser, il y a cette même idée de se défendre, de faire un et d'être solidaire. Et donc justement, en termes de solidarité, c'est un peu le travail du CSIA et aussi du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, qui justement essaye de faire le pont entre des luttes des gens en bas et donc qui essaye aussi de transmettre l'information pour connaître ces luttes et s'en inspirer si besoin, ou les soutenir quand il y a besoin aussi, surtout Et on avait justement récemment rencontré, enfin, ou en tout cas régulièrement, grâce au CSIA, je le disais en début d'émission, des délégations et notamment des jeunes de Guyane. Et c'était vraiment des jeunes, et ça nous avait frappé parce que c'est important aussi chez les apatistes de former la relève et des nouvelles générations qui vont pouvoir porter plus encore, encore plus loin le projet de récupération et de leur authenticité, leur possibilité de vivre comme ils sont en vrai. Et ben justement, on peut donner peut-être juste deux, trois nouvelles, puisqu'on avait déjà parlé de prospérité, de cette lutte et de ce combat et de cette forêt qui fait partie et qui fait un pour ces peuples Kalinia, et sûrement pas les seuls Kalinia et tous les autres peuples autochtones partout. Oui, sur le village Prospérité qui est à une quinzaine de kilomètres de Saint-Laurent-du-Moroni, alors que depuis 30 ans, les habitants du village Kalinia de Prospérité revendiquent qu'un espace, qu'un terrain, comme on dit ici, leur soit confié au titre des zones de droit d'usage collectif, cette terre, cette parcelle, a finalement été accordée en moins d'un an à la Société Hydrogène de France pour y implanter une méga centrale électrique. Alors, il faut savoir que personne ne conteste le bien fondé d'un projet de centrale électrique, mais il s'implante sur la zone de vie du village, à moins de 2 km des habitations. Et donc, c'est une partie de forêt qui est un lieu de transmission des savoirs, de la spiritualité et de la culture. C'est de là que tirent que les habitants du village, environ 200 personnes, tirent une grande partie de leur pharmacopée, de leur alimentation, de leurs matériaux de construction. Bref, il y a eu une lutte considérable, une répression terrible. La garde à vue du chef coutumier du Yopoto Jaber. Et malheureusement, la déforestation de, je crois que c'est à peu près 178 hectares, est quasiment terminée, malgré ce combat mené beaucoup, beaucoup par les jeunes. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le village se recentre sur son projet d'autonomie. Ils ont construit un magnifique four à pain. Ils font un gros travail sur la question de la souveraineté alimentaire. Je crois que c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Si négociations il y a, elles sont confidentielles. Et encore une fois, malheureusement, ce projet est quasiment installé, quoi. Et ouais, malheureusement, on n'arrive malheureusement pas à freiner tout ou à bloquer les multiples projets qui sont un peu partout, absolument partout, et qui nous accablent. Et tu voulais faire un petit mot, là, le temps passe, on est bavard, et tu voulais faire un petit mot Raymond, sur... Oui, merci. Bonsoir. On n'est pas loin, on reste un peu pas loin de Caraïbes. Oui, on reste dans la zone des Caraïbes. Moi, je viens de Martinique. Et le témoignage poignant de Corinne m'interpelle. Elle a parlé d'identité. Et là, c'est très, très important. Quand on sait que le colonialisme fait tout pour gommer justement les identités, et essayer d'étouffer, de réduire à néant tous ces peuples qui sont meurtris par l'exploitation et l'oppression. Sans rentrer dans le détail, sans refaire trop d'historique, je voulais mettre l'accent sur un fait marquant qui s'est déroulé à Martinique, un fait tragique. Nous sommes le 14 février 1974, c'est la Saint-Valentin ici, il me semble. Euh, et, euh, Et dans une habitation, c'est l'équivalent des haciendas en Amérique du Sud, c'est ces grandes exploitations agricoles. Et à ce moment-là, des ouvriers se sont mis en grève pour réclamer une augmentation de leur taux horaire, l'amélioration de leurs conditions de travail. Et les patrons, il faut dire que la tension a monté. Finalement, toutes les habitations de l'île se sont mises en grève. Et à un moment donné, il y a une convergence, un mot d'ordre de converger vers une habitation qui se trouve au nord de la Martinique, c'est à Basse-Pointe, habitation Chalvet. Et là, les CRS ont entendu une embuscade à tous ces travailleurs qui venaient et les ont carrément mitraillés à balles réelles. Et deux ouvriers agricoles sont tombés, ils sont morts. Et quatre autres, une bonne dizaine de blessés. Et c'est comme ça, pendant de très nombreuses années, qu'on a traité la revendication des travailleurs dans ces colonies. Chaque année, à la même époque, les travailleurs se rappellent de ce drame et font des marches pour se rappeler et pour rappeler à la population qu'il y a eu des drames simplement pour réclamer des droits, uniquement réclamer une augmentation de salaire, l'amélioration de leurs conditions de travail, et des ouvriers perdent la vie, peut-être plus maintenant, mais il n'y a pas si longtemps que ça, des ouvriers perdent leur vie simplement pour réclamer un peu plus une amélioration de leurs conditions de travail. Voilà. La lucha sigue, c'est ça, on n'a pas fini de se battre, et donc on parle des apatistes, et donc justement on parlait en termes d'organisation, de propositions, de possibilités de justement vivre autre chose autrement. Ça fait 30 ans qu'ils se sont soulevés, donc justement il y a 30 ans, ils se soulevaient en 94 pour dénoncer le monde capitaliste, en évoquant le fait qu'il n'y avait plus ce qu'il y avait en face et qui pouvait être compris comme une alternative au capitalisme, à savoir le socialisme. Et donc c'était le début d'autre chose, et donc ils ont construit énormément, et pendant des années ils ont été aussi assaillis par des politiques des politiques répressives et anti-insurrectionnelles, les politiques classiques et d'autres qu'on a déjà évoquées ici à plusieurs reprises. Et alors qu'ils parlaient depuis des mois, là, ils nous ont expliqué qu'ils étaient en train d'avoir un rapport critique essentiel. Là, pendant 3 ans, ils ont travaillé à voir ce qui avait marché, pas marché, ce dont ils avaient besoin aujourd'hui, puisque c'est une organisation et un processus. Donc, tout ça étant quelque chose qui porte les communautés depuis 30 ans qui s'organisent, tout en sachant qu'elles subissent toujours et encore la violence. Et donc notamment le 19 janvier 2024, il y a 28 personnes, 28 bases d'appui de l'EZLN qui donc ont dû subir un déplacement forcé. Et donc ils ont été chassés par un groupe de paramilitaires, l'organisation régionale des caféiculteurs de Cosingo, l'Orcao, dont on a parlé à plusieurs reprises, puisque c'est une zone où les terres avaient été prises, et prises par les apatistes, avaient donc chassé les grands propriétaires, avaient distribué des terres à des personnes non apatistes également, et donc eux se sont installés, et donc sont depuis... subissent les agressions couvertes par les politiques, évidemment, puisque notamment leur chaos maintenant est de mèche de façon officielle avec les politiques, des hommes politiques, et donc les partis, les organisations politiques municipales, institutionnelles de Okosingo, qui est une ville assez importante dans la région, et c'est en tous les cas dans cette région que justement les terres sont... les personnes veulent s'accaparer les terres à nouveau, donc aux apatistes. Et donc, elles ont construit leur école, mais qui a été saccagée. Dans une autre communauté un peu plus loin, c'est de quoi nourrir le bétail qui a été saccagé. Donc c'est une attaque directe à une communauté comme Emiliano Zapata, qui est 100% Zapati justement, qui a été créée sur des terres récupérées. Donc toute cette agression qui est en train de se jouer, on vous demande éventuellement d'être attentif si jamais vous vouliez regarder sur notre site, si vous voulez vous inscrire à notre liste pour avoir des informations, suivre de plus près. Et éventuellement nous soutenir en venant aussi au comité de solidarité, puisqu'on est une assemblée ouverte, donc le 1er, 3e et 5e mercredi du mois. On ne parle pas que des zapatistes, mais en tous les cas, on a besoin aussi de diffuser cette parole qui est porteuse, puisque vous êtes tous invités à construire un autre monde, et pour ça, à s'organiser, à se rencontrer et à apprendre à semer. Les zapatistes nous invitent justement à venir apprendre sur leur territoire, sur ces fameuses terres récupérées et qui ne seraient plus à personne, ni même aux zapatistes. C'est un peu le projet qu'ils ont lancé avec ces terres communes et toute cette communauté nouvelle qu'il faut pouvoir créer. Donc ici, on a du boulot, mais on y est tous, les uns et les autres. Merci de nous écouter. On se retrouve le mois prochain, donc le 3e lundi du mois à 19h en direct. Merci beaucoup Corinne qui était avec nous pour cette émission. Un grand merci au CSIA, Pascal pour la technique, FPP 106.3, la Lucha Sigue, et on laisse la suite au prochain. Merci, ciao. Ciao.